Jean Bosco, Ndoui Man. Bonsoir à tous, tous invités vous sur la mise en onde de ce journal dont voici les grandes articulations. Honorable Hafsa Mossi, député de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, a été assassiné ce matin à Bujumbura. Des messages de condamnation de cet acte ignoble et de condoléances nous sont parvenus de l'EIALA et de l'ambassade des États-Unis au Burundi. Entre-temps, la délégation gouvernementale qui participait au pourparlers d'Arusha annonce sa suspension immédiate de ses travaux. Et c'est pour rentrer le plus rapidement possible et faire le deuil en honneur de la disparue issue de des rangs du CNDD-FDD. Arusha, il en est également question dans ce journal. Les travaux de cet après-midi étaient centrés sur les consultations devant permettre l'établissement d'un ordre du jour consensuel. On y revient. Et 6 enfants mineurs ont comparu ce mercredi devant le tribunal de grande instance de Romangué pour le dossier de Gribouilly de la photo du président de la République. Le ministère public a requis une année de servitude pénale et une amende de 50 000 francs burundais. Leur avocat a relevé des irrégularités dans ce dossier. Et plus de 300 bouteilles d'eau minérale Kinju et d'autres produits piratés ont été saisis lundi par la police qui les a montrés aux médias en demandant à la population d'être vigilante. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir, honorable Hafsa Mossi, député burundaise de l'Assemblée de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est et issu du CNDD-FDD, a été assassiné ce matin à Bujumbura. Il était 10h30 quand deux criminels lui ont tiré des balles mortelles dans la tête à la sortie de son véhicule pour voir qui venait de le percuter par derrière. C'était bien ces criminels qui étaient à bord d'une voiture TI aux vitres teintées. Le crime qui vient d'emporter cet ancien journaliste de la Radio-Télévision nationale du Burundi et de la BBC, également ancienne ministre, a eu lieu précisément à Gihosha, à l'avenue Nyangoni, non loin de son domicile. Elle est décédée avant d'arriver à l'hôpital. À l'instant même où je vous parle, les cérémonies d'inhumation de Madame Hafsa Mossi ont lieu en raison de sa religion musulmane. Je vous l'avais dit, au chapitre des réactions, l'ambassade des États-Unis à Bujumbura présente ses sincères condoléances à la famille de l'honorable Hafsa Mossi après qu'elle ait été attaquée par des assaillants non identifiés ce matin. Dans un communiqué de presse sorti ce mercredi, l'ambassade des États-Unis indique qu'il déplore cet assassinat et la violence qui s'écoule au Burundi depuis plus d'une année. L'ambassade appelle toutes les parties concernées à poursuivre le dialogue pacifique afin de résoudre la crise actuelle. Et l'Assemblée législative de la communauté est-africaine condamne également cet assassinat. L'EIALA demande au gouvernement du Burundi de traquer dans l'immédiat les auteurs de ce forfait. Suite des pourparlers inter-burundais qui se déroulent à Arusha en début de cet après-midi, le médiateur dans la crise burundaise a rencontré la délégation gouvernementale, la société civile et les femmes, puis les partis ayant participé aux élections de 2015, sauf le CNDD-FDD qui a boycotté la séance. Il était prévu que devrait suivre une plénière où chaque groupe devait présenter ses propositions par rapport à l'ordre du jour présenté par la médiation. On rappelle ici que cet agenda proposé par la médiation a été dégagé après des entretiens qu'elle a eus avec les différents groupes dans l'avant-midi. Et Marie-Ange Nzeimana nous détaille les points qui sortent de cet agenda, les points A donc, qui devraient être discutés. Et c'est notamment les conditions de sécurité et l'engagement à mettre fin à toute forme de violence. Les points à l'heure du jour qui ont été donnés l'avant-midi de ce mercredi aux membres des partis politiques et de la société civile sont au nombre de 7. Le premier point concerne les conditions de sécurité et l'engagement à mettre fin à toute forme de violence au Burundi. Le deuxième point parle des engagements qu'il faut prendre envers la primauté du droit et la lutte contre l'impunité dans le pays. Le troisième point parle du statut et mise en œuvre de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé à Arusha par les protagonistes burundais. En quatrième position vient le renforcement de la culture démocratique et l'ouverture de l'espace politique. En cinquième position vient les questions sociales et humanitaires au Burundi. Le sixième point parle de la mise en œuvre des décisions du sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est du 6 juillet 2015 sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le septième et le dernier point concerne l'impact de la crise sur l'économie burundaise et les relations entre les pays voisins ainsi que les autres partenaires du Burundi. Merci Marie-Ange. Le groupe des femmes qui est à Arusha au nom des Burundaises est composé de 13 femmes. L'une d'entre elles, c'est Vestine Mbundagu. Elle dit que le groupe a apprécié les points à l'ordre du jour proposés par la médiation. Elles ont ajouté le point concernant la place et le rôle des femmes et des jeunes dans les questions de paix et de développement. Vestine Mbundagu, joint au téléphone tout à l'heure par Marie-Ange Nzeiman. Nous avons insisté sur le point de la situation sécuritaire et de l'arrêt de toutes les formes de violence. Parce qu'en tant que Marine du Quartier, nous voyons que ce point puisse être pris comme un préalable. Un préalable à discuter bien avant pour que la situation soit faite dans une situation de sécurité bien assainie. Aussi, nous appelons le facilitateur d'essayer de voir comment prendre des mesures conséquentes pour favoriser l'environnement favorable au dialogue. Nous avons aussi ajouté un sujet qui concerne les préoccupations des femmes. C'est pour cela que nous avons ajouté un point qui intitule la place et le rôle des femmes et des jeunes dans les questions de paix et de développement. On voudrait que ce point soit parmi les points de l'agenda. On a aussi ajouté un point qui concerne la promotion de la culture de leadership et de bonne gouvernance. Parce que nous constatons que nous avons un problème de leadership et on devrait accepter de discuter sur comment est-ce qu'on peut avoir un leadership convenable, approprié, qui comprend ce que c'est la redevabilité. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit, 6 enfants mineurs ont comparu à huis clos ce mercredi à Rumonge pour le dossier de gribouillis de la photo du président de la République. Le ministère public a proposé une peine de servitude pénale d'une année, une amende de 50 000 francs burundais. Maître Aloïse Naïzeye, avocat de 6 enfants, dit que l'audience s'est passée normalement, mais que le dossier contient des irrégularités. Suivez Maître Aloïse Naïzeye. Nous les avons appuyés à montrer les irrégularités qui émaillent ce dossier. En terminant, le ministère public a proposé une peine de servitude pénale d'une année et une amende de 50 000 francs. En matière pénale, la responsabilité est individuelle. Ouais. Pourquoi ces enfants ont été mis ensemble? C'est la raison que nous avons évoqué l'article 18 du Code pénal qui dit que la responsabilité pénale est personnelle. Le ministère public n'a pas pu montrer la part de chacun de l'accomplissement de cette infraction. Et même, comme en matière de la responsabilité est personnelle, ils n'ont pas été attrapés en flagrant délit et les livres ont été utilisés par d'autres élèves pour dire qu'ils ont attrapé les responsables des livres et non pas les auteurs de l'infraction. Maître Aloïse Ndaïzeye au téléphone avec Alida Ndaïkeza, stagiaire à notre station. Et le gouvernement du Burundi devrait réagir dans l'urgence en mettant en place une délégation qui se chargera de rapatrier les filles et femmes en difficulté dans les pays arabes. La réaction est celle de l'organisation ONLCT, Où est ton frère, qui lutte contre le trafic des êtres humains au Burundi. Son président, Maître Prime Mbarubukeye, intervient après l'appel de 3 filles à Oman qui demandent d'être sauvées. L'ambassadeur du Burundi dans ce pays devrait s'y mettre en premier lieu, d'après le président de cette organisation ONLCT, Où est ton frère, Maître Prime Mbarubukeye. Les victimes qui sont concernées par l'infraction commencent à crier haut et fort pour justement demander une assistance, une action urgente de la part des institutions chargées de la question au Burundi afin de pouvoir sauver les peuples. Il faudrait que le gouvernement mette en place une dépêche d'urgence, une délégation multiforme ou conjointe en Oman pour pouvoir comment procéder au rapatriement immédiat de ces victimes qui sont en train de crier afin qu'elles soient tirées de cette situation. Cela demande qu'il faut activer l'ambassadeur du Burundi dans son pays afin qu'il devance cette délégation pour mener des pourparlers avec l'État omanais afin de voir comment, en collaboration avec les sociétés locales qui font le recrutement de la main-d'œuvre, nous prenons cela en nous basant sur les prescrits de l'article 27 de la Constitution de la République du Burundi qui oblige le gouvernement du Burundi en général de pouvoir protéger ses citoyens et que ces citoyens doivent mener une existence conforme à la dignité humaine. Deuxième élément, nous fondons nos allégations également sur l'article 196 du Code pénal burundais, livre 2, qui dit que la traite des personnes ou l'esclavage en général est un crime contre l'humanité. Nous voudrions demander aux institutions judiciaires de pouvoir appliquer in extenso cette pertinente disposition afin justement de voir comment réprimer ce genre d'infractions liées à la traite des êtres humains et ces infractions connexes. Maître Prime Mbarubuke, on rappelle ici qu'un cri de détresse avait été lancé par une de ses filles qui a pu tromper la vigilance de leur bourreau. Confirma sur nos ondes, c'était hier, qu'une d'entre elles avait été déjà tuée dans ce pays. Le gouvernement burundais compte mettre en place le stock stratégique carburant pour éviter des ruptures de ce produit sur les stations-service. Cela a été dit ce mardi par le ministre ayant en charge le secteur de l'énergie et des mines, comme Manirakiza. C'était lors d'une réunion qu'il a tenue à l'intention des importateurs et gestionnaires des stations. Il a été demandé à ces derniers de renouveler leur permis d'exploitation. Les précisions de Léonce Vitalio. Lors de cette réunion, les importateurs, tout comme les exploitants des stations-service, ont évoqué plusieurs causes à l'origine de la pénurie du carburant. C'est notamment le manque de devises évoqué par les importateurs, ce que le ministre Koeman Irakiza, ayant en charge le secteur de l'énergie, n'acceptait pas. Il a été demandé également la mise en place du stock stratégique carburant qui pourrait aider sensiblement pour parier à cette pénurie. Vous devriez vous-même, le ministre, prévoir ce fonds stratégique carburant. On nous disait dans l'OTAN qu'il y a le stock stratégique au ministère du Commerce. Si un quelconque problème surgit, indépendamment de votre volonté, le ministère devrait donner sous crédit une certaine quantité de carburant aux sociétés en vue de pouvoir servir leur station, quitte à rembourser juste après l'arrivée de nos commandes. Pour sa part, le ministre Koeman Irakiza soutient l'idée de mise en place de ce stock. Il déclare par ailleurs qu'il l'a trouvé ainsi prévu depuis que le secteur du carburant a été transféré vers son ministère. Il promet de mettre en place ce stock dans les jours à venir en vue de parier à la pénurie. Nous sommes en train de tout faire pour que le stock stratégique soit encore une fois reconstitué. Il servira à résoudre des problèmes pétroliers qui pourraient naître et les choses retrouveront leur voie normale. Le ministre Manirakiza affirme qu'il n'y a pas manque de carburant sur le territoire burundais. Lors de la réunion de mardi, il a été constaté que les permis d'exploitation de stations-service ne sont pas actualisés, comme Manirakiza leur a demandé de renouveler ces permis d'ici fin juillet. Ces permis ont une durée d'une année renouvelable après avoir payé 5 000 francs burundais. Merci Léonce. De faux billets circulent en mairie de Bujumbura et ce sont les chauffeurs de bus, surtout œuvrant dans le transport rémunéré, qui le disent. Ils indiquent que cette circulation de faux billets est un obstacle majeur pour leur sécurité ainsi que pour leur travail. Les détails avec Sandra Gloria Lukusa et les stagiaires. Les chauffeurs de bus en mairie de Bujumbura se lamentent de la circulation des faux billets. Ils ne voient pas comment prospérer dans leur travail alors que cette circulation en est un défi majeur. Oui, il est possible car nos clients vous donnent ces faux billets et partent. Dans ce cas, c'est une perte car en utilisant cette monnaie, il peut être arrêté alors que ce n'est pas lui le contrefacteur. Et pour être condamné, voire même incarcéré alors qu'il est innocent. Ce transporteur indique que la plupart de cette fausse monnaie sont les billets de 2 000, 5 000 et 10 000 francs bourg. Il nous le donne pendant la nuit car il est difficile de les différencier et de savoir si un tel billet est un billet de 2 000 ou 5 000. Ils sont semblables dans la nuit. Moi aussi, ça m'est arrivé à Kamesa. C'est un contrefacteur de Kamesa qui m'a donné ce faux billet et je l'ai capturé et j'ai appelé la police pour être interrogé. Il demande au gouvernement de faire face à cette circulation des faux billets et lance un appel à leurs camarades d'être vigilants, surtout en travaillant pendant la nuit pour ne pas tomber dans le chaos. Merci Sandra. Des faux monnayeurs, on passe à ceux qui piratent ces différents produits. Plus de 300 bouteilles d'eau minérale de la société Kinjou et d'autres produits ont été piratées, saisies par la police nationale. Ce lundi, dans la capitale Bujumbura, exhibant ces produits devant les caméras de la presse, le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngurikiye, a demandé à la population d'être vigilante à l'achat de ces produits. Les détails avec Karine Boutoyi et les stagiaires. Celui qui a été arrêté en flagrant délit avec de l'eau minérale piratée s'appelle Jean-Marie Ngendahayo. Il était à bord d'un véhicule avec une quantité importante de ce produit de marque Kinjou. Après son arrestation, la police a poursuivi ses complices, à savoir Jean Bosco Ndaizeye et Gabriel Gahimbare, mais ces derniers ont directement pris le large. Le porte-parole de la police a dit qu'après une fouille et perquisition menée à leur domicile, la police a saisi une quantité importante de ces produits de consommation piratée. Pierre Mouriquier avertit que de tels produits nuisent à la santé humaine. Et à l'occurrence, c'est cette eau minérale en très grande quantité, différente jus pour les enfants surtout, produit communément appelé spiruline et l'autre produit qu'on appelle communément kombucha. Mais la police y a saisi également les matériels, les équipements utilisés pour fabriquer ces faux produits. Le message du ministère de la Sécurité publique, c'est d'informer d'abord la population que tous les produits qu'elle consomme ne sont pas des produits authentiques. Il y a des produits qui sont piratés. Il y a des bouteilles qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu. Il faut que la population sache que dans les produits qui lui sont offerts, il y a des faux produits et très dangereux pour la santé. Le ministère de la Sécurité publique demande à tous les services concernés de conjuguer les efforts pour pouvoir mener plusieurs perquisitions et des saisies dans les différents magasins afin de pouvoir vérifier la qualité des produits de consommation qui sont proposés à la population. Pierre Mouriquier demande à la population de travailler en synergie avec la police en révélant à ces dernières tous les endroits de fabrication de ces produits piratés. Avant de refermer définitivement ce journal, j'en rappelle les grandes articulations. Honorable Hafsa Mossi, député de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, a été assassiné ce matin à Bujumbura. Des messages de condoléances de cet acte ignoble et de condamnation de cet acte ignoble et de condoléances nous sont parvenus de l'EALA et de l'ambassade des États-Unis au Burundi. Entre-temps, la délégation gouvernementale qui participait au pourparlers d'Arusha a annoncé sa suspension immédiate de ses travaux pour rentrer le plus rapidement possible pour faire le deuil en honneur de la disparue issue des rangs du CNDD-FDD majoritaire au gouvernement Arusha. Il en a également été question dans ce journal. Les travaux de cet après-midi étaient centrés sur les consultations devant permettre l'établissement d'un agenda consensuel des discussions. Et six enfants mineurs ont comparu ce mercredi devant le tribunal de grande instance de Rumonge pour le dossier de Gribouillis de la photo du président de la République. Le ministère public a requis une année de servitude pénale et une amende de 50 000 francs burundais. Leur avocat a relevé des irrégularités dans ce dossier. Et plus de 300 bouteilles d'eau minérale Kinju et d'autres produits piratés ont été saisis lundi par la police qui les a montrés aux médias en demandant à la population d'être vigilante. Toussaint Mitevoti a mis en œuvre ce journal que je vous ai présenté. Merci de votre fidélité. Jean Bosco au micro. Bonsoir.